de mélancolie. Je t'ai écrit cette mélodie, cette mélodie. J'avais besoin de m'expliquer. De te parler, de te parler. Cette mélodie, je l'ai composée rien que pour toi, rien que pour toi, pour toi. Mot après mot, ligne après ligne, je passe en glisser sur le papier. J'ai raconté une partie de ma vie, de ma vie, de ma vie, pour en faire cette mélodie, cette mélodie. Je suis qu'un rêveur, un rêve passager du temps. Je suis qu'un rêve, un doux rêve qui veut vivre autrement. J'avais tellement de choses à te dire. Comme dans une lettre d'adieu. Écoute bien mes paroles, les paroles. Elles viennent du plus profond, au fond de moi. Je suis qu'un rêveur. Un doux rêveur qui veut vivre autrement. Je ne suis qu'un rêveur, un rêveur, passager du temps. Je suis qu'un rêveur, un doux rêveur qui veut vivre autrement. Thank you.